my days. Makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 9T, 14 From up here, life seems so small. What's the meaning of it all? Just the way it used to be. 1T, 9T, 14 Where in the world could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cool T. Tuxedos made of snow. Is there something I should know? Mama, pop, and little bro. Dead and gone so long ago. Till I miss my OT crew. Can't have to live without them. I just wish they only knew. May they have lived at a home. But my homies loved me, kept me warm. Taught me to forget about the game. Money, hatred, hunger, pain. This sudden end to my days. Makes you wish I had changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 9T, 14 excellent de Palmas sur Énergie. Et comme on a les Palmas, on peut aller à la Playa. C'est Énergie Party Tour 2003 avec Axpels. Prends bateau les plages de France. Ça va être muy caliente la tournée. Oh là là là là. Ça se prépare, Énergie Party Tour 2003 avec Axpels, plage de jour, Dead Floor la nuit. Ça va être effectivement très très chaud. Les beach parties tous les jours dans les stations balnéaires françaises qui vont avoir la chance d'accueillir cette tournée du 15 juillet au 21 août avec donc l'après-midi des jeux de plage. Hein. Beach volley, beach water volley, surf challenge, beach basketball. Ça j'ai jamais essayé, ça doit être pas mal du tout. En fin d'après-midi, un happy hour qui va bien, sans alcool bien sûr. Hein. Ah bah attends, sur le bateau Axpels, un superbe yacht de 30 mètres. Et puis les soirées en discothèque, très régulièrement dans les boîtes qui cartonnent le plus. Je sens que vos vacances vont être très bonnes. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition comme ça. Si vous voulez en savoir plus, toutes les dates sont dispo sur le www.energie.fr. 30 minutes, 30 minutes de tes préférés. Alors, à l'identique, comme je sens que vos vacances vont être très bonnes, je sens que les 30 minutes qui viennent vont être aussi excellentes avec la présence notamment de Madonna pour Hollywood. Un petit Rémi Zéro, ça vous tente? Allez. Nul, hein, c'est pas zéro, Rémi Zéro. Save me, le thème de Smallville. Le 113 pour rester au summum, au top, au taquet. Et Lorna. Muy bien. C'est bien ça, hein, c'est cool, hein. Papi Chulo de Lorna et les autres hits qui arrivent sans la liaison sur Énergie pour 30 minutes, c'est juste après ça. Cet été, Énergie a confié tes cadeaux dans la jungle. Traque le signal entre deux hits Énergie. Inscris-toi par SMS au 612 TAP Énergie. Shop, des lecteurs DVD, matériel IFI, système home cinéma, baladeur, Xbox MP3, cash. L'avant-première de Pirates des Caraïbes au parc Walt Disney Studios. Le jeu de l'été sur Énergie t'attend à n'importe quel moment pour une aventure au beau milieu de la jungle. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. Si on chantait une chanson, Le Pont d'Avignon. Sur le pont. Oh non, papa! Et si on jouait plutôt aux incollables? Ah bon, d'accord. Cet été en voiture, inutile de chantonner pour occuper vos enfants. Géant a pensé à tout en vous offrant des jeux Les Incollables. L'idéal pour comprendre en s'amusant et pour calmer les papas chanteurs. 19 au 19 juillet, c'est à vous de jouer dans les hypermarchés Géant. Géant, c'est Géant. Jeu gratuit sans obligation d'achat et offre de primes soumises à condition. Voir modalité en magasin. Tout de suite, la top 5 le plus mortel de l'été, c'est parti. Numéro 5. Numéro 4. Numéro 3. Numéro 2. Arrêtons de jouer. Sur l'autoroute, un accident sur 5 est dû à l'état de vos pneus. Chez Noroto, jusqu'au 9 août, en plus du montage offert sur tous les pneus, une prime sécurité de 10 euros vous sera remise pour l'achat de deux pneus Continental. Condition de l'offre en magasin. Noroto, vous avez la priorité. Que d'autres ignorent, alors qu'ils auraient pu se donner une chance. Mais faut-il rappeler que rien n'est acquis d'avance? Les alliances meurent si l'écart est trop grand. C'est à nous qui te lie à son présent. Fais le vivre un peu plus long. Tu l'as de l'or entre les mains sur ton chemin. Il y a un besoin. Le temps de passer à côté de son amour prudent, car les murs pourront à tous suivre pour trahir tous ceux qui se vident leur sang. C'est à nous qui se lient à son présent. Fais le vivre un peu plus long. Tu as de l'or entre les mains sur ton chemin. Loin, de l'or entre les mains. choisir lequel sera ton repère. Les raisons qui te poussent à fuir, qui t'obligent à te mentir, sont les mêmes raisons qui depuis toujours te font souffrir. Got it in your car in Hollywood. You got it. Shine your light now. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Hollywood. Hollywood. Check it out. Moi, Rimka, courage, stay copé pour plus de 6 mois. Tout se fait comme dans Snatch, moi, et chez moi. Suspect comme l'arrière sale d'un resto chinois. Compte sur moi pour représenter nos favelas à nous. Et si t'es chez les foules, jugé par des faux qui visent le foule, le brûle entrepreneur. Le carré d'as, on a du mal à disperser dans les foules. On sent des marécages d'escalier. Il faut bêche, j'entame le stream, donne la réplique. On salopard comme Larry Flynn, tu barbales sous ma skin. En souplesse comme Jet Li, pose pour la Kabylie, mon jet ski. Sache que la peur n'apporte rien à l'homme, des lobes à l'œuvre. Profite de chaque minute pour les frères à l'ombre. Nuit au sommet, mal. Comme Choumi en Ferrari sur les circuits, avec ce qu'il faut sous le lit insoumis. On prend des risques, on suit des lois, on mise tout. S'il y a du lâche, on se présente, on tente tout. Au maximum, jusqu'au bout. Dans un coin comme ça, joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait qui part au boulot avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Sont déjà à la gouache des 12-13 ans. La mère qui leur prend au nez et vive l'instant présent. Okay. Certains le mauvais train de vie. Se sont trompés de wagon. Se mettent à bosser à la chaîne comme un Saigon. Taïwan, ça se ressent comme la Marie-Jeanne. Si t'es pas d'accord, sale con. Oh, toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet. Sur le ciment, sur les champs de cannabis. Ou tout terrain numéro 10. Avec le cœur, on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie, sous les novices. On prend des risques, on suit des lois, on mise tout. S'il y a du lâche, on se présente, on tente tout. Au maximum, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On mise tout, on mise tout, on mise tout. Au sommet. Si un jour la chance se présente. Tout sommes comme nos quartiers au risque actif. Comme la balistique dans nos villes. Comme un pif, comme une solière. On se voit mal finir notre carrière. Comme Jordan à 40 piges. Spécial haute voltige. C'est comme tes deux doigts dans la prise. Tes deux pieds dans la crise. Au sommum, le ghetto et la crise. Comme une arme bien huilée. Avec du charisme, on prend le blé au blé. Au sommum. On prend des risques, on suit des lois. On mise tout. Si il y a du lâche, on se présente. On tente tout. Ouais, gros. Jusqu'au bout. Ouais gros, 113. Au sommet. On prend des risques, on suit des lois. On mise tout. Ouais gros. Si tu lâches, on se présente. On tente tout. On tente tout gros. Au maximum. Jusqu'au bout. Je vais t'apprendre, j'essaie d'avoir mal. Écoute, c'est l'appel de la jungle. Inscris-toi par SMS au 6-11-12. Énergie. Maintenant, et gagne des cadeaux de ouf. So unimpressed, but so in awe. Such a saint, but such a whore. Arriba, arriba, otra vez. Suavemente yo con el dembow. Así tienes que hacerlo papi, papi, ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, chulo, chulo. La VF Énergie. Grâce à la VF Énergie, inutile d'avoir fait des études d'anglais, non, VF pour version française vous permet enfin de comprendre vos hits favoris. C'est une exclue Énergie, par exemple The Calling Wherever You Will Go. Vous en souvenez? Ouais, mais vous compreniez rien. Et ben là, avec Environ Mon Ego dans la VF sur Énergie, vous allez enfin comprendre. Écoutez. S'il est dit que je dois souffrir, autant te plaire pour une place dans ton cœur. Ou l'ascenseur qui mène au sourire de ta face. Quand tu t'en vas, je m'affole. Je suis tel un épagneul et qui attend qu'on le sonne, amoureux et peau de colle. Que moi, oui, mais qui t'aimera et saura combler tes désirs sans broncher. Quand tu t'enfuis, je suis seul, je te construis un hôtel. Dans un homme, et cette fois tu t'en vas pour un type qui te prend pour une femme. When I talk to my friends so quietly, who be be thinking. Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do. It's the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. Y'all know when the flow is low. Young B and the R.O.C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, roll like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. So crazy, baby. Là, cette Beyoncé, hein, Crazy in Love sur Énergie, c'est que du bonheur. Cet été, Énergie te plonge en pleine jungle. Comme vous n'êtes pas sourd, vous avez entendu tout à l'heure, le signal de l'été est passé et ça décuple vos chances de gagner si vous envoyez un SMS maintenant. Mais oui, 6-11-12, vous tapez Énergie, vos coordonnées, un petit tirage au sort. Est-ce que vous serez sélectionné? Est-ce que vous aurez la chance de monter sur le petit bateau? À bord de ce bateau, vous irez sur le fleuve, vous plongerez, vous trouverez des trésors. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. SMS 6-11-12, vous tapez Énergie, bonne chance. La suite des hits que je vous ai sélectionné avec la sexy lady de notre camarade Shaggy. En parlant de sexy lady, Laura Pausini sera de la partie et Katie Slade vous permettra de trouver l'âme sœur. Énergie Party Tour avec Icebergs débarque sur les plages de France cet été. Rendez-vous à Sainte-Maxime le 15 juillet et repart avec des cadeaux et des invites pour la teuf du soir. Énergie Party Tour. Ça commence sur la plage de Sainte-Maxime, ça se finit sur le dance floor du Saint-Hilaire. Cette histoire s'est passée un vendredi de juillet. À cette époque, la plupart des Parisiens s'échappent de leur ville pour quelques jours et arrivent dans le coin pour voir la mer. Ils s'arrêtent chez nous pour un encas ou un dernier petit plein. Je travaille dans une station d'autoroute totale. Bref, ce matin-là, j'étais en train de faire les vitres de la boutique quand un jeune couple est arrivé. Bonjour, monsieur. Alors que le jeune homme choisissait des sandwichs, la demoiselle s'est approchée de moi en chuchotant. Dites, vous avez une kit bébé, s'il vous plaît? Je vous l'emprunte juste un instant. Oh, bah, je lui prête. Et elle le tend à son mari. Quoi? Une couche et des lingettes Pampers, une purée de mon potager, une boisson lait et fruits, un petit goûter de Nestlé. Ah bah vois, un jouet Fisher-Price, c'est très bien, mais on n'a pas d'enfant, nous. Ben, disons dans 8 mois. La tête du jeune homme, j'en ai oublié mes vitres. Un petit verre d'eau, peut-être? Il n'arrêtait pas de sourire, et je suis persuadé que c'est encore le cas. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Voir conditions sur total.fr. Il fait chaud, une bonne salade avec une petite vinaigrette. Côté ligne, ça te fera pas de mal. Comment ça? Récemment, t'as essayé ton maillot de bain? Oh, alors là, vraiment merci, c'est bon, j'y vais acheter du vinaigre. Et comme en ce moment, on ne dépense pas trop, tu prends du vinaigre Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Et pourquoi on va toujours à la mer d'abord? Philippe, je t'en prie. Chez Leclerc, la bouteille d'un litre de vinaigre d'alcool cristal 8 degrés Eco Plus est à 30 centimes. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Profitons de ce court instant pour vous présenter les performances de la nouvelle motorisation turbo-diesel de la Toyota Corolla 115 chevaux D4D. Nouvelle Toyota Corolla 115 chevaux, D4D. Nouvelle motorisation à rampe commune, 8 airbags, climatisation, lecteur CD. Nouvelle Toyota Corolla 115 D4D. Un turbo diesel dont on peut être fier. Si pour vous c'est l'été, pour Leclerc aussi. Philippe, prépare le barbecue. T'as le porc comme ça, toi? Et alors, chez Leclerc, la caissette de 8 à 10 côtes de porc pour grillade, composée de côtes premières et chiné filet, origine France, est à 2,53 euros le kilo. Avec une caissette de côtes de porc à 2, on en a pour la semaine. Et alors, une petite semaine sur la côte. Sur la côte de porc. Et alors, on n'est pas bien là? Du 9 au 19 juillet, chez Leclerc, c'est les jours d'été. Voir modalité dans les magasins participants. Dites-moi, vous préférez passer du temps à comparer les prix du téléphone ou réduire votre facture? La deuxième solution, bien sûr. Alors, c'est France Télécom qu'il vous faut. Ah, j'entends Madame Moreau qui bougonne. Oui, mais les autres disent qu'ils sont moins chers. Mais Madame Moreau, avec l'appel à prix unique, tous les soirs et les week-ends, vous ne payez que 15 centimes d'euros pour un appel pouvant durer jusqu'à 2 heures, partout en France métropolitaine. Dépêchez-vous d'en profiter, c'est réservé aux 400 000 premiers inscrits. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez France Télécom au 10-14, offre soumise à condition pour 6 euros par mois qui prendra fin le 3 février 2004. Frais? Encore plus frais? Vraiment plus frais? La nouvelle génération de réfrigérateurs ne manque pas de fraîcheur. Chez Darty, découvrez le froid ventilé qui met fin aux soucis de dégivrage. La super isolation qui économise jusqu'à 50% d'énergie. Les distributeurs automatiques de glaçons, de boissons et une multitude de formes et de couleurs plus fraîches que jamais. Chez Darty, découvrez le plus grand choix de réfrigérateurs, du plus simple au plus perfectionné. Offrez-vous le meilleur du froid à moindre frais avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty. L'auto. T'as le 4x4, la moto, le yacht, le jet, t'as même l'hélico. Alors pourquoi faire le tour de la France en vélo? Surtout en plein mois de juillet. Vous êtes fauché ou quoi? L'auto. À qui le tour? Vendredi 11 juillet, le super loto du centenaire est reporté à 15 millions d'euros. Le super loto est un jeu de la Française des Jeux. Internet haut débit. Contrairement aux autres offres, Free vous garantit un haut débit 4 fois plus rapide que celui des autres offres au même prix. Aucun frais d'entrée ou de mise en service et aucun engagement de durée. Le haut débit à 29,99€, modem inclus, www.free.fr. MAF Assurance présente Opération Jour Meilleur. J'ai une nouvelle voiture, une série limitée. Pourquoi limitée? Ah bah le coût du véhicule, hein, le crédit, l'assurance, tout ça. Du coup, pour partir en vacances, je me suis bien limité. Je pars plus. Pendant les jours meilleurs dans toutes les agences MAF, profitez sans limite du pack MAF Auto avec un crédit auto incroyable de 3,5% TEG. MAF, chercheur en vie meilleure. Et pour 1 euro de plus, MAF vous offre la carte grise de votre véhicule neuf jusqu'à 275 euros. Offre valable jusqu'au 31 juillet sous réserve d'acceptation. Condition au 0820 309 310, 12 centimes la minute. Salut, c'est Calogero. Quand tu entends ça... Ça, c'est encore énergie. Moi, je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Énergie, énergie. Musique en ligne. Hold it on, Brian, I just wanna go let the ladies know they got it going on. Shug it. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's banging out of control. You put it on me. That's right. Ceiling to floor. Ballin', ballin', got me crawlin' up the wallin'. My size ain't small or stallin'. Catch a glimpse or close be fallin'. Her neighbors callin', ballin'. All this noise is so appallin'. They must believe we're brawlin'. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Y'all be your body's bangin'. Yeah. Out of control. I'm big showin'. Hers for the choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. Yeah. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. that bitter. That hourglass shape, girl. Wow. Sexy lady, you go fast. Drive me crazy, you ring on and on and on. Hey, sexy lady, you go fast. Drive me crazy, you ring on and on and on. You're extra sexy like ooh, and you make me wanna say hi. When you shake, you shake it down low. Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, girl, you wiggly, jiggly and oh, and you're wicked to rock it now. Hey, sexy lady, I like your flow. What up? Your body's burning up, out of control. Fun, yeah. You put it on put me, it on, ceiling to flow. Only you can make me scream and make for more. Ah, moist. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola, con l'istinto di chissà mai. Je devrais que moi-même avoir le goût de la vie, avoir lui appartient corps et âme. Si un jour elle venait à ma délivrance, je l'accepterais avec ses erreurs. Si ce n'est que pour le bien qu'elle manigance. Je veux l'amour sur Paris, il l'express. Une histoire qui dure pas, une story de stress. Je ne prendrai qu'un aller sans retour si jamais m'invite ma princesse. Avoir le goût de la vie, avoir le respect d'autrui, connaître les vraies valeurs. Sur énergie de Kids Are Not Alright après Offspring Sunshine. Cet été, énergie te plonge en pleine jungle. Ouh, j'ai peur, jungle, j'ai peur. Hélène, bonjour. Comment salut Miguel. Salut Nervi. Oh bah dis donc, elle est dopée Hélène, elle a pris un truc ce matin, c'est un café. Ah non, c'est le soleil. Ah c'est vrai, à Cambrai il y a du soleil. Ah oui, il y a du soleil, c'est les vacances. Premier scoop de la journée, il fait beau à Cambrai, comme quoi. C'est beau partout, oui. Tout est possible dans le football. T'as 20 ans, t'es étudiante en orthophonie. Oui. Donc tu as une capacité d'élocution hors du commun. Et tu as du flair, et j'espère que tu vas en avoir avec ce jeu. Tu le sais, trois bouteilles, tu choisis une bouteille parmi les trois. Tu plonges dans l'eau, en fonction de la durée de vie de la bouteille, tu peux gagner un, deux ou trois cadeaux. C'est toi qui décideras Hélène, d'accord? Okay. Allez, je te souhaite bonne chance. Quelle bouteille tu choisis? La deuxième. La numéro 2, allez. Est-ce que tu es prête à plonger? Allez, on y va. Est-ce que tu veux que je plonge avec toi? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Oh, elle est bonne. Alors, on est dans l'eau, tout va bien. Oh, tout de suite, un premier cadeau, dis donc. Une chaîne Hi-Fi, ma petite Hélène. On continue, c'est continue. Génial, on continue, oui. Tu continues, t'es sûr? Oui, on continue. Alors, vite. Allez, on continue, vite. Attention. Vite. Il n'y avait rien d'autre. Oh. T'as entendu la sirène, Hélène? Ah non, stop. Il fallait pas continuer, il fallait s'arrêter. C'est pas grave. Oh, c'est ballot. Oh, je suis déçu. Mais enfin, tu vas pas repartir les mains vides. On va quand même te filer un sac à dos avec des petits cadeaux Fuji dedans, d'accord? D'accord, c'est super sympa, merci. Je te fais un très gros bisou, merci, ma petite Hélène. Merci à tous. Le signal de l'été peut retomber à n'importe quel moment. J'espère que vous aurez plus de chance qu'Hélène. Pour la suite d'Élite Énergie, je vous ai sélectionné un petit Kyo et Christina Milian. Son corps effleuré, son foie, son visage, trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la

Eh ben, quand on te regarde, Christina, on voit une charmante personne, Christina Milian, sur Energy When You Look At Me. Christina qui a en commun avec Jennifer Lopez d'être née à New York, d'être latino-américaine, mais au niveau physique, aucun rapport. Non, elle n'a pas du tout le même popotin, c'est-à-dire qu'elle a même plus gros. Je vous assure, je l'ai rencontrée, elle est tout à fait charmante, mais énorme. Oh là là, c'est incroyable. On devrait faire un débat sur le popotin des chanteuses. Enfin bon, peu importe, elle est charmante et elle chante très très bien. Ce qui suit n'est pas mal non plus, la preuve. 30 minutes de hit. 30 minutes de hit énergie. 30 minutes de bonheur en cette matinée. On va vous servir ça bien chaud avec le talent, notamment Pascal Obispo, fan avec Black Eyed Peas et Justin Timberlake. Et de la Miss, envoie-les. La Miss, envoie-les. Voilà. Marc. Fifa Avenue seront là avec Infidelity et du soleil. Ah. Jocelyne, la vie, Sheila, avec Pasti, laisse parler les gens et laisse-les surtout écouter les Hit Energy. À l'occasion de la sortie de Pirates des Caraïbes, bienvenue à bord du Black Pearl. Energy t'offre dans le jeu de l'été un séjour sous les cocotiers. Glandage sur la plage, buvage de cocktails seront tes deux adversaires. N'a pas affaire à des pirates ordinaires. Deviens un pirate et pars découvrir les Caraïbes, avec Energy. Dis au revoir. Carglass répare, Carglass remplace. Caroline, 28 ans, adjointe chef de centre Carglass. Mon client, là, comme la plupart, il savait pas que chaque été en France, il y a plus d'un demi-million de pare-brise qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un petit impact. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il avait un impact depuis un moment, ça ne le gênait pas. Hier, en passant dans un lit de poule, crac, la fissure. Cette fois-là, le choc est parvenu jusqu'à l'impact. Et c'est quoi un impact? Généralement, c'est une zone avec plein de petites fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Son pare-brise, on lui a changé. Pour cela, il n'y a pas plus expert que nos techniciens. Et on a fait au plus vite. Mon client, il était content de nous, mais il a dû payer la franchise. Et ça, il aurait pu l'éviter. Chez Carglass, lorsque l'impact n'est pas plus gros qu'une pièce de 2 euros, le plus souvent, on peut le réparer sans changer le pare-brise. On injecte une résine spéciale et le pare-brise retrouve sa solidité. C'est une intervention super rapide. Et avec une assurance brise glace, pour une réparation d'impact, le plus souvent, rien n'a même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert, 0800 365 800. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. Si on chantait une chanson, Le Pont d'Avignon. Sur le pont. Oh non, papa! Et si on jouait plutôt aux incollables? Ah bon, d'accord. Cet été en voiture, inutile de chantonner pour occuper vos enfants. Géant a pensé à tout en vous offrant des jeux Les Incollables. L'idéal pour comprendre en s'amusant et pour calmer les papas chanteurs. Du 9 au 19 juillet, c'est à vous de jouer dans les hypermarchés Géant. Géant, c'est Géant. Jeu gratuit sans obligation d'achat et offre de primes soumises à conditions. Voir modalité en magasin. Pour connaître le nom des hits qui passent sur Énergie, envoie C'est qui? Quoi? C-K-I par SMS au 612 et reçois illico le titre et l'interprète sur ton téléphone portable. J'envoie quoi déjà? C'est qui? C-K-I au 612. 35 centimes par SMS hors coût d'envoi. Waouh, super! Il y a un baptême de parachutisme en tandem à gagner si tu déchires sur deepdenfer.com avec les produits McDo. Hein? Mais non, je disais juste quand tu mâches, t'es beau. Hein? Collectionne tes McDeals sur les produits McDo. Fais la meilleure offre sur deepdenfer.com et gagne l'inimaginable. Deepdenfer, c'est chez McDonald's, mais ne le dites à personne. C'est gratuit sans obligation d'achat, dans règlement complet, restaurant ou sur deepdenfer.com. Si pour vous c'est l'été, pour Leclerc aussi. Philippe, prépare le barbecue. T'as le porc comme ça, toi? Et alors, chez Leclerc, la caissette de 8 à 10 côtes de porc pour grillade, composée de côtes premières et chez Néfilet, origine France, est à 2,53€ le kilo. Avec une caissette de côtes de porc à 2, on en a pour la semaine. Et alors, une petite semaine sur la côte. Sur la côte de porc. Et alors, on n'est pas bien là? Du 9 au 19 juillet, chez Leclerc, c'est les jours d'été. Voir modalité dans les magasins participants. Tout de suite, la top 5 le plus mortel de l'été, c'est parti! Numéro 5! Numéro 4! Numéro 3! Numéro 2! Arrêtons de jouer. Sur l'autoroute, un accident sur 5 est dû à l'état de vos pneus. Chez Noroto, jusqu'au 9 août, en plus du montage offert sur tous les pneus, une prime sécurité de 10 euros vous sera remise pour l'achat de 2 pneus Continental. Condition de l'offre en magasin. Noroto, vous avez la priorité. À Strasbourg, le 25 à Lille, le 4 décembre à Marseille et le 6 à Nice. location, point de vente habituel et 36,15 énergie, 34 centimes d'euros la minute. Eros Ramazzotti en live, un événement énergie. Master Mix. Un hit passe sur Énergie et tu veux savoir qui c'est? Bah oui, j'aimerais bien. Envoie C'est qui? C'est KI par SMS au 612 et reçois le titre et l'interprète sur ton téléphone portable. D'accord, je fais quoi déjà? Tu tapes C'est qui? C'est KI. C'est qui? C'est KI par SMS au 612 et tu sais aussitôt qui c'est. Ah, c'est vachement bien. C'est qui au 612, 35 centimes par SMS hors coup d'envoi. Sur Énergie, Énergie, Music Only. Only New Jack. On parle film. Je te sens hostile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te dévines? Attends un moment. Pourquoi tu stresses? Je suis feeling. Ne sois pas hautaine. C'est ce que j'étais. Excuse-moi, miss. Yeah. Excuse-moi, miss. Yeah. Donne-moi plus. Je suis sur un char, baby. Excuse-moi, miss. Yo. Excuse-moi, miss. Yeah. Donne-moi plus. Je laisse-moi finir mon speech. M'embrouille pas quand je m'explique. En plus là je m'applique. Yeah. On vient complice. Yeah. Franchement je vois pas ce qui t'effraie. Pourquoi tu me paniques? Je suis peut-être trop direct, c'est ça qui te gêne. Oh, baisse la gaffe. Mon style. Je suis tout sauf une caille. Yeah, yeah. Baisse la gaffe. Je suis tout from you. Gonna take no more. Marilou. J'inventais des lettres à France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan. As I'm getting older, your people get colder. Infecting the young minds faster than bacteria. Just wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. People killing, people dying, children hurt, and you're crying. When you practice what you preach, and you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Guidance from above. Les gens. On dit que ton gars a déposé les clés. Yeah, no. On dit que c'est pas lui le